capitale. Pour toute leur tribu de cannibales. Les chômeurs, tous des feignants. Le Pen, il dit pas que des conneries, hein. Oh, une bonne guerre de temps en temps. La suite, je ne sais pas, j'étais parti. Les choses sont-elles bien réellement comme tu le dis? Aussi bien, si tu veux considérer l'ambition des hommes, tu seras surpris de son absurdité. Mon ex-belle-mère se plaisait à dire qu'à l'époque des Vichy c'était moins pire et qu'avec une meilleure collaboration, on serait vite débarrassé des ennemis de la nation qui veulent du mal aux gens bien comme elle. Mon ex-belle-mère, assez sûr, ne sortait pas. Mais comme tout le monde, de la chatte de sa mère, qui aurait mieux fait de s'abstenir ce jour-là.